La drogue c'est bon, je sais, tu sais, on sait. La drogue c'est con, je sais, c'est compliqué. J'ai fumé, j'ai fumé, j'ai fumé, j'ai fumé. Ça a développé ma créativité, ça a excité ma sensibilité. Ça m'a même donné de nouvelles idées, ça m'a fait du bien pendant pas mal d'années. J'ai fumé, j'ai fumé, j'ai fumé, j'ai fumé. Et plus je fumais, plus je m'améliorais. Et plus je fumais, plus je me décontractais. Et plus je fumais, plus je me laissais aller. Et plus je fumais, et plus je m'écoutais. J'ai fumé, j'ai fumé, j'ai fumé, j'ai fumé. La drogue c'est bon, je sais, tu sais, on sait. La drogue c'est con, je sais, c'est compliqué. Après toutes ces années, j'ai fini par trouver que le shit m'a sommé, alors j'ai arrêté. J'ai fumé, j'ai fumé, j'ai fumé, j'ai fumé. Aujourd'hui tout va bien vu que j'ai recommencé. Je fume une pure beuh que j'ai moi-même cultivée. C'est un vrai régal, elle est si parfumée qu'une seule bouffée suffit pour décoller. J'ai fumé, j'ai fumé, j'ai fumé, j'ai fumé. La drogue c'est bon, je sais, tu sais, on sait. La drogue c'est con, je sais, c'est compliqué. J'ai fumé, j'ai fumé, j'ai fumé, j'ai fumé, j'ai fumé.